besoin de lover, besoin de lover, besoin de love, besoin de lover, pas besoin de love. Personne pour me sauver si je tombe dans la gueule du loup. Ah, ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm a winning, who is funny hog dog, and I'm a winning. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. Oh yeah, and I'm a winning, it's bad in it, and I'm a winning. Besoin de lover, pas besoin de love. Personne pour me sauver si je tombe dans la gueule du loup. Ah, comme on le voit sonner, je répondrai à l'appel. Enterrez-moi la zombie, la clé chez moi sera une simple pelle. Ah, la roue tourne, je négocie les virages. T'as voulu me noyer, tu m'as appris à nager. Le soleil viendra après l'orage. On était fous, aujourd'hui on s'est assagi. Quand tu croiras que c'est fini, le destin te frappera encore plus fort. Et quand Dieu t'aura béni, y'aura plus personne pour te causer du tort. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm a winning, who is funny hog dog, and I'm a winning. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. Oh yeah, and I'm a winning, it's bad in it, and I'm a winning. Mais chez l'ordre et les billons, chauffé de n'y a d'art à l'éon. سبابي وصغري راح عليا سبابي نيتي هالي بيا ما عندي والي انا ماني شي غالي هاد الليلي كترة تهوالي من سباب راحت الدنيا قولي ومين تتولي ليا راني في العذاب زادت الكيا مالك ازهر ضرت عليا من سباب غابت النيا من سباب غابت النيا وهذه الدنيا دارت عليا. صافي des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm a winning, who is funny hog dog, and I'm a winning. صافي des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, and I'm a winning, it's bad in it, and I'm a winning. Parisien du Nord, Clando d'abord. Actif dans la musique sans passeport. Africain du Nord, Clando d'abord. Actif dans la musique sans passeport. And I'm a winning, who is funny hog dog, and I'm a winning. Maghrébin du Nord, Clando d'abord. And I'm a winning, it's bad in it, and I'm a winning. Actif dans la musique sans passeport. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm a winning, who is funny hog dog, and I'm a winning. Comme ça. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. Oh yeah, and I'm a Gwenny, it's bad in it, and I'm a Gwenny. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. And I'm a Gwenny, it's laughing your heart dog. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. And I'm a Gwenny, it's bad in it, des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm a Gwenny, who is funny hog dog, and I'm a Gwenny. Comme ça.